Chapitre 152. Ce que l'on dit en présence du mort et ce que dit celui qui a perdu un proche. 920. D'après Umm Salama, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque vous êtes en présence d'un malade ou d'un mort, ne dites que du bien, car les anges disent « Ô Allah, Amin », c'est-à-dire « Ô Allah, fais qu'il en soit ainsi », après chacune de vos paroles. Elle ajouta: quand Abu Salama, radiallahu anhu, mourut, j'allais voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: ô messager d'Allah, Abu Salama est mort. Il me recommanda de dire, alayhi salatu wassalam, ô Allah, pardonne-moi ainsi qu'à lui, et compense sa perte par un bien. Allahumma ghfir li wala, wa a'qibni minhu uqba hasana. Elle poursuivit: Allah m'a alors accordé meilleur que lui en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muslim. 921. Umm Salama, radiallahu anha, rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: quiconque, s'il est frappé d'un malheur, dit: certes, nous appartenons à Allah et à lui nous retournons. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et compense ma perte par un bien meilleur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khayran minha. Quiconque dit cela, Allah Ta'ala le récompense pour son malheur et le remplace par ce qui est meilleur. Umm Salama radiallahu anha ajouta: quand Abu Salama radiallahu anhu mourut, j'ai répété les paroles que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'avait recommandées, et Allah me l'a remplacé par meilleur que lui en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam. Muslim. 922. Selon Abu Musa radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: lorsque l'enfant du serviteur d'Allah meurt, Allah Ta'ala dit à ses anges: vous vous êtes saisi de l'âme de mon serviteur? Oui, répondent les anges. Vous avez ainsi pris la prunelle de ses yeux, littéralement le fruit de son cœur? Oui, disent-ils. Qu'a dit mon serviteur? Demande Allah. Il t'a loué et a dit: certes, nous appartenons à Allah et à lui nous retournons. Allah Ta'ala dit alors: construisez pour mon serviteur une demeure au paradis et appelez-la la demeure de la louange. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan. 923. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala dit: je n'ai d'autre récompense que le paradis pour mon serviteur croyant qui, lorsque je reprends l'âme de son bien-aimé, fait preuve de patience dans l'espoir de la récompense d'Allah. Al-Bukhari. 924. D'après Usama ibn Zayd, radiallahu anhuma, l'une des filles du prophète, alayhi salatu wassalam, réclama sa présence en l'informant que son enfant ou son fils était à l'agonie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit à l'envoyé de sa fille: retourne près d'elle et dis-lui qu'à Allah Ta'ala appartient tout ce qu'il reprend et tout ce qu'il donne, et toute chose auprès de lui a un délai prescrit. Recommande-lui donc d'être patiente et d'en espérer la récompense auprès d'Allah. Puis il cita le hadith en entier. Al-Bukhari et Muslim. 925.